bombastique. Donne-moi ton boom, boom, boom. Tu vas kiffer, pas moyen que tu dormes. Hey lady, hey baby, montre-moi ton corps de rêve qui fait kiffer.